C'est bien dans la bassesse que tous les hommes se ressemblent. Ils s'assemblent, s'organisent, diabolisent le dissociable. De la culture à la couleur, tout est discutable. Les notables gèrent le monde et toute infamie rentable. Finance pour que tombent les bombes sur toute terre colonisable. On me dit qu'il y a un dieu, il crée l'homme à l'image du diable. Regarde donc la morale de leur nouvel ordre mondial. C'est négociable l'homicide du peuple en Palestine. C'est tolérable le génocide des Tchétchènes par Poutine. Nettoyable le sang du Tibet sur les mains de la Chine. Et contestable quand les enragés les dénoncent en rime. C'est minable, on fait de leur exaction des crimes. Comptable et court d'action contre famille qu'on décime. Honorable sentiment de haine à présent qui m'anime. Laisse donc tomber les fables, l'histoire je la supprime. Posé pour dénoncer cette liberté illusoire. Venu pour mettre à nu les méfaits du pouvoir. Visé pour faire tomber cette liberté illusoire. L'acculé, la cerner sans lui laisser d'échappatoire. Posé pour dénoncer cette liberté illusoire. Venu pour mettre à nu les méfaits du pouvoir. Visé pour faire tomber cette liberté illusoire. Briser ses rêves, lui ôter tout espoir. Bienvenue dans un monde où l'amour est fictif. Où la haine de l'autre a fait fuir l'affectif. Où la soif de pouvoir nous rend tous victimes. Où l'honneur est au rebut, maintenant ici le vice prime. Fuir ses responsabilités serait la pire des choses. Dénoncer car ma conscience et moi sommes en parfaite osmose. Qui t'a passé pour un fou? Autant vivre en marge. Le peuple est dans le cirage, il serait temps qu'il émerge. La révolte a pris de l'âge, elle a surtout pris le large. Elle a fait de nous des lâches qui avons enterré la hache. Tant de faits historiques sur lesquels on nous a menti. Toutes ces guerres pour le profit et la suppression d'ethnie. Ces images subliminales qui envahissent nos écrans. Quel sera l'héritage que nous laisserons à nos enfants? C'est comme ramer dans la vase, nager dans la lave. Le troisième millénaire est loin d'avoir un goût. Posé pour dénoncer cette liberté illusoire. Venu pour mettre à nu les méfaits du pouvoir. Visé pour faire tomber cette liberté illusoire. L'acculer, la cerner sans lui laisser d'échappatoire. Posé pour dénoncer cette liberté illusoire. Venu pour mettre à nu les méfaits du pouvoir. Visé pour faire tomber cette liberté illusoire. Briser ses rêves, lui ôter tout espoir. L'homme s'est assis sur ses valeurs et ses convictions. L'argent fait son bonheur, la luxure est son addiction. À dire vrai, l'évolution est une triste contradiction. Ensemble grandissons dans le mensonge et l'acceptation. Les sept péchés capitaux sont devenus un mode de vie. Aujourd'hui on glorifie ce qui hier était proscrit. Être sage et obéir, c'est ce qu'on nous ordonne. Moi je reste tapis dans l'ombre jusqu'à ce que l'heure sonne. Comme le son du nom, car votre soumission m'exaspère. Visez toujours plus haut, quitte à trahir père et mère. Fiers de vos nations, qui pour votre paix sèment la guerre. Assis derrière leurs bureaux, nos bourreaux se foutent de la misère. Misérable condition à laquelle on se refuse. Abandonner son égo au profit du peuple qu'on abuse. Indéniable connexion dans un système qu'on accuse. Sans frontières, ni barreaux, ni même la moindre excuse. Posé pour dénoncer cette liberté illusoire. Venu pour mettre à nu les méfaits du pouvoir. Visé pour faire tomber cette liberté illusoire. L'acculer, la cerner sans lui laisser d'échappatoire. Posé pour dénoncer cette liberté illusoire. Venu pour mettre à nu les méfaits du pouvoir. Visé pour faire tomber cette liberté illusoire. Briser ses rêves, lui ôter tout espoir. Posé pour dénoncer cette liberté illusoire. Venu pour mettre à nu les méfaits du pouvoir. Visé pour faire tomber cette liberté illusoire. L'acculer, la cerner sans lui laisser d'échappatoire. Posé pour dénoncer cette liberté illusoire. Venu pour mettre à nu les méfaits du pouvoir. Visé pour faire tomber cette liberté illusoire. Briser ses rêves, lui ôter tout espoir.